C'est Guillermo. Où ça? C'est le mec en t-shirt. Le seul en t-shirt. Ça va les amigos? Le footballeur. Je suis bien content d'être là parce que j'ai vu toutes les saisons dans Grenache. Je suis très fan. Ça fait du bien, je veux dire, de ne pas devoir être hypocrite avec les invités pour une fois. L'autre jour, à votre place, il y avait un acteur, je connaissais de nulle part, Daniel Auteuil ou je sais pas quoi. Là. Personne autour de cette table qui avait entendu parler de lui. Ils sentaient que deux, là, ils étaient en train de ramer là, pour les questions. Leïla qui était là, oui, Daniel Auteuil, quand vous allez au cinéma, vous préférez payer en cash ou plutôt avec une carte de crédit? Enfin, tu vois, le pauvre, c'était vraiment horrible, c'était pénible. Alors qu'ici, à part Tom Villa, tout le monde aime bien en Grenache, je pense. Et au-delà de ça, je suis très content d'être à côté de Caroline Proust parce que je pense que vous avez des origines luxembourgeoises, non? Pourquoi? Vous n'avez pas? Non. Non, c'est ce que je disais, vous n'avez pas d'origine luxembourgeoise et c'est bien dommage. Parce que ça aurait fait une transition remarquable en fait, parce que je vais parler du Luxembourg justement. Le Luxembourg qui est le premier pays au monde à avoir instauré les transports en commun. Car tu vois, Caroline, vous ratez un truc. Si vous avez des origines luxembourgeoises, là vous pourriez dire oh oui, ça vient de chez nous, c'est super. Voilà, on va pas revenir là-dessus, tant pis pour vous. Mais non, tant pis, vous préférez être génétiquement homogène, super. Très bien. Mais c'est stylé, non? À partir de mars 2020, les Luxembourgeois, ils ne vont plus payer dans les transports en commun. Comme sur la ligne 13. C'est vachement bien. Oui. Moi sur la ligne 13, je passe jamais le portique seul. Jamais. J'ai déjà passé le portique avec 7 personnes sur la ligne 13. Deux sur mes épaules, 3 dans mon sac. Le reste, je préfère même pas vous expliquer. Vraiment, tu peux tomber enceinte en passant le portique de la ligne 13. Vraiment, fille ou garçon. Hein. Et c'est pas un jugement de valeur. Moi-même, je fraude. À Bruxelles, je paye jamais dans le tram. Et je sais que ça fait de moi une espèce de figure emblématique du banditisme. Mais pour autant, c'est ce que je disais dans une interview à Fleury-Mérogis Magazine, qui me demandait si j'ai l'impression d'avoir une responsabilité vis-à-vis des détenus pour qui je suis un peu un guide. Et, oui. Et je leur disais, ok, je suis un voyou. Ok, je fraude dans le tram, mais j'ai jamais versé une seule goutte de sang. Si t'as pas un code d'honneur, quand tu fraudes le tram, t'es personne. Moi, j'ai deux principes. Je suis pas une balance et je fraude jamais plus de 3 arrêts. Sinon, après, je fais des crises de panique. Ça me donne de l'eczéma entre la cuisse et le scrotum, comme Daniel Morin. Mais c'est légitime de risquer. Moi, le prix des transports en commun, ça me donne envie de crever dans un argument de Luc Ferry. Vraiment, je pense. Ça fait des années qu'on nous dit d'arrêter de rouler en voiture. C'est vrai, parce qu'apparemment, je sais pas, il y aurait une espèce de forme de pollution là dans l'air, ou quoi, comme en Chine et tout. Bon, je trouve que c'est très exagéré. Moi, je dis tant qu'on voit le soleil, ça va. Franchement, ça va. Mais quand bien même, depuis 10 ans, le seul truc qu'on trouve pour inciter les gens à prendre les transports publics, c'est augmenter le prix du ticket. Il faut inverser l'équation. Ils l'ont fait à Dunkerque. Les transports sont gratuits à Dunkerque. Je sais que c'est le Nord et qu'ici, à France Inter, vous appelez pas vraiment ça la France. Mais enfin, c'est une question de priorité budgétaire. Au Luxembourg, par exemple, la gratuité des transports en commun, ça va coûter 41 millions d'euros par an. Bon, ce sera payé par Nagui, qui a toujours dit qu'il ferait un petit geste pour le Luxembourg en échange de services rendus à l'époque de je sais pas exactement quoi. Un code d'honneur, patron, c'est important pour vous aussi. Moi, je respecte. Et vous allez me dire, Luxembourg, c'est minuscule, niveau taille, Luxembourg, c'est pas un pays, c'est plus comme un parc. Si t'es dans un long train, tu peux toucher les deux frontières, tout, c'est vrai, ok. Vous allez me dire, oui, il n'y a pas de métro, Luxembourg. Il n'y a pas de métro, c'est vrai, au Luxembourg. Parce que dans le sous-sol, ils stockent l'argent des multinationales. Ah, blingue engagé. Ernesto, qu'est-ce qui t'arrive? T'as lu un journal, t'as vu, tu veux un sucre? Mais c'est vrai que. J'aime bien moquer du Luxembourg, parce qu'il faut comprendre, en Belgique, on n'a pas souvent l'occasion de mépriser d'autres peuples. Vous ne mesurez pas la chance que vous avez en France d'avoir un sentiment de supériorité, notamment sur tous les pays, enfin, tous les pays qui existent, et surtout ceux dont vous avez volé les Coupes du Monde. Mais ce coup-ci, je trouve que vous devriez quand même vous inspirer de vos voisins, ceux du Luxembourg et de Dunkerque. Allez, bonne émission, les amis. Merci, bravo. France Inter, la bande originale.